super satellite en l'air qui nous guide au fond, qui nous guide au fond. Dans le jardin au fond, en plein hiver, ça caille un peu le cul. Et les douches solaires. Se laver dehors, en plein hiver. Ça caille un peu les miches, ça caille un peu. De l'asticot, qui est pas plus gros qu'un asticot. Le froid calme bien les ardeurs. Pourquoi ? Pour rien, tu ne vois rien dans la forêt là. Pas un cul qui passe, pas de sein, pas de cul, pas de sein, pas de cul, pas de sein, pas de jambes. Pas de sein, pas de longs cheveux. Oh ! Donc, bien moins d'ardeur, bien moins d'ardeur. Oh ! Le sexe n'en veut plus. Il a oublié. Il a oublié ce que c'était. Il a oublié ce que c'était de bander. Tu ne bandes plus, tu baisses plus. Tu ne bandes plus, tu baisses plus. Tu n'as même plus d'envie, plus rien, tranquille. Le froid te calme, mon gars. Et tu bosses un peu quand même. Quelque chose à faire pour survivre dans ce bois. Mais pas de cul, pas de cul, pas de sein, pas de sein, pas de cul, pas de cul, pas de sein. Yeah. pas de bandaison, tu sais, pas de chaleur. Est-ce que tu comptes quand il fait très mauvais? Quand tu ne rentres pas, ton t'as pas envie de tirer sur la quoi ou sur. Pas de sein, pas de cul, pas de sein, pas de cul, non, pas de sein. Pas de sein, pas de cul, pas de sein, pas de cul, pas de sein. Pas de sein, pas de sein, pas de sein, pas de cul, pas de sein, pas de quinte. Pas de sein, pas de cul, pas de cul, pas de sein, pas de gueule, pas de vagin. Pas de vagin, pas de cul, pas de sein, pas de cul, pas de sein, pas de cul, pas de sein, pas de cul, pas de cul, pas de sein, pas de sein, pas de sein, pas de sein, pas de cul, pas de cul, pas de sein, pas de sein, pas de cul, pas de cul, pas de sein, pas de sein, pas de cul, pas de vagin. Pas de cul, pas de vagin, pas de femme au loin, pas de femme au loin qui pourrait te perturber. Oh, pas de sein, pas de cul, pas de vagin, pas de sein, pas de cul, pas de vagin. Rien qui pourrait te perturber. Là, tu n'as que l'horizon à contempler. Et la lune des fois, et la lune, quelques étoiles au loin. Oh, les feuilles frétillent, mais y'a pas de cul qui frétille. Pas de cul, pas de sein, pas de vagin, rien, rien, rien. Et toi ta nouille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sèche, elle sèche, elle sèche. Pour enfin la mettre dans le sachet avec des autres nouilles crevées. Pas de sein, pas de vagin, pas de cul, pas de sein, pas de vagin, et ta nouille dans le sachet pour aller la crever.